Idama. Rasta de Matisse. You know, love us a Jabla. It's a Laouche, Dividend, you know. Saddam. Yeah, man, Vegas. Piano Holic Production. I'm here all. I'm about to send the baby can't talk about what I'm about. What I'm thinking to what I'm about. I'm about to come down to them. I'm about to go back to the room. I can't. Tell me them so old them some some are kento kento bam some ta oma oma chan. Me say say say come so oma po me sa va chan. Sa oma po sa dam kendo wala ni ni. I'm not sa me team from come to oma po. The game say that I'm woman I just say them sa wa. I said you just have to. We came to what a blast. You see me them what a blow me some come to what a man a blast. You see me dem me dem me dem me come me come. Me know what time me dem po so wanna come. Go know what time me know sa po. The game say that oma sa wa. Let it dem so wala blast the family. C'est gens qui savent, nous café de l'Italie. Dans le mental, si ou pas bon, si elle peut calme. Nous mis la dernière, c'est pour ça, nous j'appuie pas. Nous pas foutre pas mal, passe la tête, nous t'en parle pas. C'est gens qui savent, nous café de l'Italie. Dans le mental, si ou pas bon, si elle peut calme. Nous mis la dernière, c'est pour ça, nous j'appuie pas. Nous pas foutre pas mal, passe la tête, nous t'en parle pas. Année 9, 8, 6, nouvelle pauté. Génération 8, puis ouais, tête qu'à péter. Pas parler moi de high lift, ouais, pas ça qu'à sailler. Parler moi de bon plan kit, ouais, de bon plan coqué. Tic monument, money, nous qu'à flex roller. Tic monument, money, c'est nous qu'à jalouser. Tic monument, money, nigga. Hey, tic monument, money, nigga. Ah, génération voyou, nous là qu'à make money. Génération voyou, nous là qu'à flex roller. Génération voyou, big up Trinity Jawé. Génération voyou, négocie pas jouer. Venu extraire ça ma plume de son enclume. Si on me l'enlève, c'est comme un bras, comme un budget. Attraper le stylo, non pas pour la thune. Pour faire la une, mais pour soigner mes mots, du moins essayer. Mais tes erreurs, personne ne peut les essuyer. J'ai tellement écrit que la plume est usée, abusée. Génération désabusée. À cette heure où tout le monde dort, moi je rate le papier. Je veux grapper les paliers différemment, car la mode et moi nous sommes pas alliés. Le showbiz, moi, ne m'en parle pas, j'ai jamais rêvé d'y aller. Moi, c'est entre ce monde et la sagesse que je suis tiraillé. Je fais mon poirail, je m'en tape, que tu vas y tester. Si je perce pas, je peux pas me sentir lésé. Ni laisser de côté, ils sont dans leur monde et moi à côté. Mon son, tout ce qu'il peut apporter, d'intérieur, je reconnais la plume et dose. C'est pas fait pour danser ni que l'assemblée. J'suis en voyage dans mes pensées tellement que parfois je me perds au rêve. Faut que je reste accroché. La puissance de mon peur a fait bien, j'passe pas à l'opéra. Mon pareil, ton tout squatter de baraton. Tout commence à l'offre, à l'offre, moi je le connais pas. C'est l'œil de l'art qui fait rappeur le jour où la paix m'accosta. Je sais la mauvaise zen à ta si ça. Zen pour distinguer ouais, les rageux et les mecs zen. La zone à squat depuis gamin, ouais, menacé au bec. Ben zen, je sais que la part des choses est faite. Quand parfait est la part, le bien, il passe par le partage. On ne peut pas finir à part dans mon coin, taillant les gens, amassant les problèmes d'argent sur un trottoir du 3ème avec un ego tant. J'en prends quelque chose en tant que ce soit. Le mic est pas ta tête comme une mouche face à une tapette. Je ski vous prends vers tête. Tête chrono avait raison. Fallait pas louper téléphone. Mais je suis cloîtré à charme et pelé sur respect. Aime dans ma soupe et pesé. Je zappe et tombe sur du K1. Mais le seul son que l'on connaisse, c'est pas du 41. C'est 9003. Sois connaître. Génération Royal Mixtape. Pas jouer. Gun job et c'est là.